Aurélien, j'ai le micro en avant de la question. La peur que l'on devra affronter en 91 se manifestera par la rencontre avec l'antihomme. Celui-ci se manifestera-t-il concrètement sous plusieurs formes physiques? Bon, il y a beaucoup d'ego effectivement, qui aimeraient ça, que l'antihomme se manifeste comme une grosse bibitte ou quelque chose qui vient se battre avec eux autres. Parce que ça confirmerait à l'ego que c'est pas une farce, que c'est réel. L'ego fonctionne uniquement avec de l'expérience. La grande partie de l'antihomme s'exprime par toutes les limitations qui limitent l'humain. Alors, l'antihomme, c'est pas un monstre qui peut apparaître. Dans certains cas, c'est déjà arrivé que l'antihomme a été exprimé sous forme de monstre. L'antihomme, vous allez probablement l'exprimer de la façon la plus inattendue et d'une façon la plus terrifiante. Sauf qu'il y a des façons plus douces de parvenir à la négoïsation, donc à la fonte de l'antihomme. Mais l'antihomme, on le reconnaît simplement par toutes les limitations qui vous empêchent de bouger. J'ai déjà fait, à un moment donné, une conférence où on a parlé un peu du maquillage chez les dames. Et je disais que, dans l'absolu, une personne qui se maquille, c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas voir la réalité en face. Il y en a qui n'avaient pas aimé ça. Il y avait deux personnes qui s'étaient inscrites au séminaire et qui ont rappelé dans la semaine pour dire que là, ils cancelaient le séminaire qui était pour aller s'acheter du maquillage en place. Et moi, je me suis dit, tu vois, c'est tant mieux parce que c'est des personnes à qui on aurait des problèmes tout au long du reste des bouts du chemin. Mais l'idée, ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que ça fait partie des choses au niveau de l'absolu. Quand on parle de liberté, combien de femmes, par exemple, qui ont l'habitude de se maquiller, seraient capables, à un moment donné, de passer une semaine sans se maquiller? Les hommes, c'est la même chose. Les hommes aussi, il y en a qui se maquillent. Chacun a son habitude. Il y en a qui se peignent. Bon. Toi, t'as combien... pas de problème avec ça. Moi, je m'arrange. Disons, je disais à une personne... Se peigner, il faut des cheveux. Oh, ben, c'est hâte de finir. Ouais, les gens vont cesser de dire que ça tombe. T'sais. Mais enfin... L'être humain a ses habitudes, il a sa façon de se camoufler à lui-même, de se camoufler en face des autres. Mais il y a une question d'esthétique aussi. Il y a une question d'esthétique, mais l'esthétique doit être opérationnelle, fonctionnelle, intelligente, et non pas obligatoire. Es-tu obligé d'être beau? C'est-à-dire, souffres-tu de ne pas être beau? Ah, c'est toute une grosse nuance. Alors, par exemple, pour vérifier, on parle au niveau de l'évolution. Quand on parlait de liberté, et c'est ce qui est important d'expérimenter, donc de vérifier en 91, puis évidemment dans les années à venir, c'est de défoncer tous les carcans qui nous empêchent d'avancer. Ces carcans-là font partie de la mécanique de l'antihomme, et c'est ce qui nous limite. Êtes-vous capable de par exemple, je vous invite immédiatement en sortant à aller à une fête, où on va rencontrer certaines personnes... de la haute classe au niveau des artistes. Mais il y a plusieurs personnes qui vont dire hey, « je ne peux pas y aller de même ». Si moi je vous dis « ça ne les dérangera pas », ça va déranger plus la personne que ceux qui vont la recevoir. Et ça fait partie encore des mécaniques de l'antihomme. On n'est pas bien. Êtes-vous capable de vous présenter nu devant des gens? Il y en a qui ont même la difficulté à se présenter nu devant eux-mêmes. On n'est pas bien. On n'est peut-être pas toutes présentables, non plus pour ça. Je parle pour toi, là. Mais moi, je parlais des gens dans la salle, là. Les autres. Oui, c'est ça, je parlais pas de toi. Des personnes, par exemple, auraient quelque chose à dire. Ah oui, mais moi, j'ai pas les mots, j'ai pas les... Qu'est-ce qu'on en a à faire? L'important, c'est pas d'être X, Y, Z. L'important, c'est de passer ce que nous sommes. Mais ce que vous êtes n'est pas votre transpiration, ce n'est pas votre corps physique, ce n'est pas votre visage ou vos boutons. Ça, c'est l'outil par lequel vous allez communiquer. Il vient un moment donné où on met plus d'énergie à améliorer l'outil que de communiquer, que de se servir de l'outil, finalement. Vous n'avez pas une belle voix. Mais ça, c'est pas grave. Vous n'avez pas une belle écriture, c'est pas grave. Vous n'avez pas un beau corps physique, c'est pas grave, parce que tout ça, ça fait partie d'une illusion totale. l'être humain va arriver à démolir son antihomme, puis l'antihomme, c'est pas nécessairement une bébite qui va arriver en avant, ça va être simplement, à un moment donné, vous avez quelque chose à faire, vous n'êtes pas capable de le faire. Le v'là, votre antihomme. Et quand je parle de peur, la peur, ça va être l'outil qui va nous permettre de décoder, de découvrir, et de digérer, d'extirper, puis de contrôler, puis de démolir l'antihomme. Pour ça, il y a des mécaniques, à un moment donné, que je vais suggérer à certaines personnes. Sauf que l'antihomme, on le voit régulièrement toute notre vie, c'est lui qui nous limite. Limitation, mais antihomme. Et qui nous limite dans l'expression de l'intelligence. Quelqu'un va dire, ah, moi, là, mon antihomme, je l'ai éliminé. Parce que j'avais le goût de t'approcher la gueule à la personne là-bas, puis je l'ai fait, plus de limite. Qui limite l'expression de l'intelligence. L'antihomme limite rarement l'expression de l'ego. Probablement l'inverse qui est arrivé. Là. C'est l'antihomme qui a éliminé l'intelligence. Ben oui. Vous n'êtes pas capable de faire telle chose. Une personne va dire, oh ben écoute, moi je suis capable, certain, de regarder. Mais ben là, elle est manipulée par des forces imbéciles. Et son antihomme vient de gagner. Elle n'est pas intelligente. On n'a rien à foutre de savoir si on est capable ou pas capable. Qu'est-ce que ça vous dérange? Si je vous dis que vous êtes laid ou que vous êtes beau, ça, si je dis à quelqu'un qui est beau, ça fait plaisir. Si je dis qu'il est laid, ça fait déplaisir. Qu'est-ce qu'on a à faire? Vous êtes beau, vous êtes belle, dans 5 ans? Finalement. Et surtout que de toute façon, ça dépend surtout des yeux qui regardent et non pas du corps que vous présentez. Mais vos yeux, ils sont à l'intérieur de votre corps, ils sont chez vous. Ces yeux-là qui vous regardent psychologiquement, qui vous regardent physiquement. Vous savez comment quand ceux qui ont des enfants, à un moment donné, là, vous leur mettez des pantalons, là, et ça regarde, « Ah, j'aime pas ça, ils me font pas. » Tout le monde qui les regarde trouve que ça leur fait bien. Oui, le point de vue qu'ils ont d'eux-mêmes, le culotte puis le corps n'est pas le bon. C'est comme ça dans tous les milieux, dans n'importe quoi. Je rencontre des individus, moi, qui ont des personnes qui vont me dire, « Christy, cette personne-là, et oui, moi, mon point de vue fait que je vois ce qui est intelligent chez elles, ce qui est correct chez elles, c'est ça qu'on doit développer et cultiver. Mais chez soi, c'est la même chose. C'est même pas du positivisme, c'est pas qu'on est bon, puis on est beau, puis on est fin. C'est que c'est ça qu'on est. On est pas mal crotté un peu. C'est l'antihomme, c'est pas nous autres. On doit, en 91, se démerder pour exprimer une petite chose à la fois. Vous apprivoisez. Vous devez, vous autres, les intelligences, progressivement apprivoiser vos égos. Progressivement apprivoiser les égos de ceux qui vous entourent. Petit à petit. Mais il faut commencer. Tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, c'est que ce n'est pas celui qui est rendu à l'arrêt d'autobus. L'autobus va ramasser tous ceux qui se dirigent vers l'arrêt d'autobus. Mais évidemment, ceux qui sont rendus aussi. Tu sais, quand dans l'Antiquité, on disait, la personne qui est sur son lit de mort et qui subitement se repentit est sauvée comme celle qui n'a rien fait de mauvais au niveau de sa vie. Alors l'humain disait, Christ, ça n'a pas de maudit bon sens. Bon, ben, je vais autant faire ce que je veux, puis à la fin, ben, je me repentirai. C'est que le repentir, c'est pas une question de mots, c'est une question de mutation au niveau de la conscience. C'est un éveil. Celui qui s'éveille sur son lit de mort ou qui s'éveille sur son lit de naissance est le même. Et celui qui s'éveille au départ n'a pas à se contrôler toute sa vie. C'est un Bouddha. C'est un réveillé. Puis celui qui se réveille sur son lit de mort, c'est la même chose. Soyons intelligents. Ce qui nous intéresse, c'est l'être humain qui est écologique, conséquentiel, capable d'une intelligence qui a du cœur. Alors, on rencontre une personne qui est un débile mental, qui est un imbécile total, qui est un meurtrier, qui est n'importe quoi. Puis dans notre système, il en manque un. Puis subitement, ben, pouf, paf, notre criminel, pouf, il meute, il devient celui-là. Ben, on le prend. On n'a rien à foutre de savoir ce qu'il a fait dans le passé. En plus, il était manipulé, il était investi, il était possédé, c'était même pas lui. Alors, c'est ce qui arrive. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas une question de regarder à quel point vous partez. C'est pas ça qui est important. L'investissement supramental se fait sur les individus qui sont en conscientisation. Et ce n'est pas les individus qui répètent ce que Daniel Kemp dit ou ce que d'autres disent. C'est des individus qui sont capables de prononcer ou de comprendre des choses. L'anti-homme, c'est ce qui limite. Quand l'anti-homme est là où se manifeste, que faire à ce moment-là? Y a-t-il des techniques ou est-ce que la force supramentale est suffisante? Quand la force supramentale est suffisante, l'anti-homme n'est pas là. Est-ce qu'il y a des techniques? Il y a toute la structure du programme Maître Contrôleur que j'ai mis sur pied pour permettre aux individus qui auraient besoin d'un support technique, une amélioration au raffinement corporel, au niveau du corps vital, du corps astral ou du corps mental, de pouvoir parvenir à être leur seul maître. Je parle de l'intelligence qui serait le maître contrôleur à bord du corps physique. Quand l'anti-homme se pointe, la première chose que vous devez faire, c'est de faire d'être capable de discerner entre ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas dans ce que vous pensez être. C'est très, très simple. Vous vous posez toujours la question quand vous agissez ou quand vous avez agi, avant de vous culpabiliser ou d'avoir honte ou de faire quoi que ce soit, est-ce que c'est ça que je voulais faire? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est clair, c'est simple. C'est pas un jeu de mots. C'est pas une maudite bonne excuse. Est-ce que c'est ça que je voulais faire? C'est intelligent. Non. Ça prouve une chose. Je suis manipulé. C'est ça que ça prouve. Puis de temps en temps, on m'obscurcit. J'arrive plus à contrôler. Je ne suis pas le maître contrôleur. C'est juste ça. Ça, c'est le départ pour arriver à contrôler, à percevoir l'anti-homme. C'est que vous allez progressivement être capable de vous centrer dans votre intelligence et non pas dans la mémoire de l'intelligence des milliards de personnes qui sont passées avant vous et qui ont constitué vos mémoires réincarnatives. Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Puis on ne parle pas du résultat obtenu, on parle de l'action. Vous allez dire à quelqu'un, c'est 200 vérités, puis finalement, ça vire en engueulade. Est-ce que c'est ça que vous vouliez? Non. C'est dommage. Mais ça ne vous regarde plus. Puis ce qui est important, c'est que l'humain qui applique totalement ce que je dis là ne ramasse même pas de karma chaque fois qu'il conscientise. Mais l'humain qui joue à l'application ramasse du karma. Il ramasse un petit peu plus, parce qu'en plus, il se met à lui-même. Alors, une des façons d'arriver à éliminer l'anti-homme, c'est pas de se battre contre lui. Non, parce que lui, il se nourrit des batailles. Il prend de la puissance. Il prend de l'expérience. La façon d'éliminer l'anti-homme, c'est d'être nous autres. Allez voir. Ça va décarper. Mais ça va vous brosser. Il y a une partie de votre corps, de votre peau qui va décoller avec. Il y a une partie de vos habitudes qui vont décoller. C'est ses habitudes à lui. Il y a une partie de vos amis qui vont vous lâcher. C'était les amis de l'anti-homme. C'est pas les vôtres. Et là, à un moment donné, vous allez vous ramasser comme qui dirait un peu seul. Oui. Votre vraie famille, vous la connaissez pas. Vous allez renaître. Dans une autre famille. Vos vrais amis, vous les connaissez peut-être pas encore. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont rester, c'était les bons. Peut-être que c'était leur partie anti-homme qui était votre ami, ça va devenir leur partie intelligente, qui va devenir votre ami. Vous allez vous redécouvrir. Ben, des petites choses en évolution. Je faisais un travail conscient de mes filles au niveau des muscles dans la région des vertèbres lombaires. Comment conserver consciemment l'énergie vitale de cette région? Dans cette région, tout en travaillant consciemment ailleurs, comme au niveau de la pensée ou du sentiment? L'expérience, la pratique. Une technique, ça doit être assimilé pour être exprimé en mémoire d'intervention. Donc, la pratique. Je n'arrive pas à bilocaliser et éventuellement à multilocaliser la conscience dans le corps. Non, encore une fois, la pratique, il faut que la personne se donne du temps. C'est une chose que les cerveaux ont de la difficulté à faire. Et surtout, la personne, lorsqu'elle va commencer à ses techniques d'isométrie cérébrale, elle va commencer à créer différents foyers de conscience dans le cerveau. Et là, elle pourra être en multilocation, c'est-à-dire qu'elle pourra être consciente, par exemple, de ses deux pieds, de ses deux mains, d'un genou, de sa tête, d'une oreille, d'une vertèbre, tout ça en même temps. Alors que présentement, si elle est consciente d'un pied, elle perd le reste. Ça change de pied, elle perd le reste. Quand elle va commencer son isométrisation cérébrale, puis qu'elle va la développer suffisamment, elle sera capable d'être en plurilocalisation. Que faire pour maintenir constamment en éveil les cellules d'une région donnée du corps, car ça demande beaucoup d'énergie pour toujours recommencer? Parce qu'il n'y a pas encore de mémoire, la personne apprend. C'est comme apprendre à conduire une automobile, ça demande beaucoup d'énergie. Quand on sait conduire, ça n'en demande plus. Ça se fait tout seul, mémoire d'intervention. Elle devra kenviser, donc, parce que vu qu'elle fait le PMC, elle devra apprendre à kenviser suffisamment. Ça va venir avec des démarches flottantes surtout. Puis l'isométrisation va l'aider aussi à finir par maintenir sa conscience dans son corps physique, plutôt que dans une région. Il y a une personne de ma famille que l'astral semble vouloir récupérer depuis quelques jours. Mais tant mieux, ça va vous libérer, vous. C'est vrai? D'autres questions. Elle sent comme une main qui vient lui serrer le bras, ou d'autres fois, dans le métro, lui gratte le dos. Ça, au moins, si ça pique. Génial. Ça, c'est le genre de manipulation que j'aimerais, moi. Une manipulation qui vient de gratter le dos, un peu plus bas. Que doit faire la personne et la famille, car c'est la première fois que nous expérimentons des phénomènes comme cela? Je ne peux répondre qu'aux personnes qui posent les questions. Donc, à vous, je vous réponds ceci. Parce qu'étant donné, il faudrait connaître le degré d'évolution de l'individu, il faudrait connaître plusieurs choses, il faudrait connaître l'entourage. Et si la personne pose la question, ben, je peux répondre, mais sans ça, comme ça, je ne préfère ne pas répondre, parce que je vais répondre n'importe quoi. Qui est Ramta? Où se situe-t-il? Dans quel plan évolue-t-il? Souvent, quand les personnes posent ce genre de questions-là, ils ne veulent pas avoir la réponse. Ils veulent avoir une confirmation de choses, mais... Ramta, c'est un personnage intéressant qui a présentement l'attirance d'un corps de femme. Donc, il s'exprime par une dame. Il exprime à travers la dame un mélange intéressant de ce que Aurobindo a fait. Ramta, ce n'est pas la mémoire d'Aurobindo, mais c'est la mémoire du contexte arien, d'évolution supramentale dans le phénomène d'Aurobindo, Krishnamurti. Un peu mère, mais pas trop. Alors, Ramta, c'est un personnage intéressant qui a la caractéristique présentement de mêler l'astral au supramental et de l'exprimer par le biais d'une femme. Donc, il a la possibilité présentement de spiritualiser le supramental. Ce qui fait qu'à travers ses ouvrages, on retrouve des choses intéressantes. Mais encore une fois, il faut purger à travers le lot. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de spiritualité. Ce qui fait que la spiritualité amène toujours l'individu à devenir dépendant. Et une des façons de rendre quelqu'un qui veut être libre, dépendant, c'est de lui répéter souvent qu'il doit être libre. Là, il va croire l'autre. Mais est-ce pas plus libre? Est-ce que le fait de spiritualiser l'énergie supramentale, ça ne fait pas aussi en sorte de la rendre plus accessible? C'est exactement ce que ça fait. C'est pourquoi je dis que c'est très bon. Sauf que c'est pas nécessairement utilisable par tout le monde. Mais c'est très bien. Donne des exemples comment appliquer dans la vie de tous les jours. Comment appliquer quoi? Ah, appliquer. Comment appliquer? La première chose que vous devez faire, donner des exemples, tellement de choses à appliquer. Vous savez, vous êtes de l'intelligence. C'est un peu comme donner un exemple comment qu'un humain peut appliquer dans sa vie. Mais vous êtes un humain. Fait que vous pouvez appliquer 24 heures sur 24 ce que vous êtes. L'intelligence, c'est la même chose. Des exemples d'application, vous allez commencer simplement avec ce qui vous semble le plus stupide et qui serait le plus bénéfique. C'est souvent ce qui va vous faire le plus mal. Dans l'intelligence, soyez capable d'aimer ceux qui méritent votre amour. C'est de l'énergie. Ça crée une énergiopathie. Ça crée une symbiose. Vous devriez apprendre à leur communiquer. Ils le savent. Le problème n'est pas qu'eux autres l'apprennent. Le problème, c'est d'être capable de vous libérer de la partie anti-homme qui vous empêche d'exprimer clairement, au-dessus de votre conscience, ce que vous savez. Il y a des individus qui sont des amis ou qui sont simplement des parents. devriez être capable d'être en relation énergio-affective avec eux, clairement. Ce serait déjà une première chose. Intelligemment capable de dire à quelqu'un qu'on apprécie sa présence. Ce serait déjà une très bonne chose. Et quand je dis cela, je ne dis pas une journée, vous êtes réchauffé, vous le dites. Être capable de maintenir cela. Vous rencontrez quelqu'un n'importe où, vous avez bénéficié de sa présence, dites-le-lui. Vous lui remettez son karma, vous vous allégez, et vous vous donnez un bond tous les deux en avant du point de vue de la quantité d'énergie que vous allez ramasser. Et l'évolution est uniquement une question de quota d'énergie. Quand vous allez en avoir suffisamment, subitement, pouf, vous allez comprendre. Puis tant que vous n'en avez pas suffisamment, vous n'avez pas l'impression que vous évoluez, que vous avancez, que vous vous conscientisez. En réalité, vous avancez, vous ramassez de l'énergie, mais ça ne paraît pas. Puis quand vous allez en avoir suffisamment, pouf, là, ça va paraître. Alors, on le dit. Mais dans l'intelligence, pas dans la spiritualité ou dans l'émotivité, ou encore moins par tradition. Vous rencontrez votre mère ou votre père, êtes-vous capable de lui dire que vous appréciez si vous les appréciez? Mais pas par obligation. Vous rencontrez un ami, un vieil ami ou un vieil ennemi que vous appréciez. Par l'intelligence, capable de lui dire. Ce serait déjà phénoménal du point de vue de votre libération puis de l'accumulation d'énergie que vous auriez chez vous. Cherchez pas des superbes grandes techniques. Pas pour commencer, du moins. Un des exemples, ça serait ça. Il y aurait plein que je pourrais donner, mais en donner plein, ça fait quoi? Ça va nourrir l'intellect, puis on va avoir trop d'affaires à pratiquer après. C'est ça. Vous allez en trouver tout seul, allez voir. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous le cachez bien, mais vous le savez. Élabore sur l'association montréalaise des gens qui se conscientisent et qui débutera en janvier. Ce n'est pas une association montréalaise, sauf que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des énergies qui forcent les individus qui se conscientisent à changer. Alors, il y a une activité qui va se tenir au Palais des Congrès à Montréal, qui justement a comme fonction de forcer les individus particuliers à s'associer particulièrement. Il y a plusieurs mécaniques qui existent déjà au niveau des associations. Il y en aura d'autres. Je ne veux pas trop en parler présentement parce que je vais vendre des idées. Et c'est à vous de trouver, faire des choix. Il y a des associations qui prônent, par exemple, la construction ou la création de villages particuliers. Certains vont dire, ah oui, mais ça marche jamais. Ça marche jamais parce que peut-être que vous n'étiez pas là. Lui va dire, peut-être que vous étiez là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On essaye. À force de pilonner le monde de la mort, le monde astral, à force d'essayer puis de manquer notre coup, on finit par préparer les terrains, puis à un moment donné, on l'essaye puis ça fonctionne. Il y a d'autres associations qui sont des associations d'affaires. Les êtres qui se conscientisent se forment des compagnies, puis se démerdent pour pouvoir évoluer en affaires tout en augmentant leur potentiel matériel. Il y a deux groupes majeurs présentement d'associations qui existent depuis quelques années, qui réunissent uniquement des individus qui se conscientisent en affaires. Les deux ont leurs qualités, les deux ont leurs défauts. Parce que les deux sont constitués d'individus, d'humains. Mais ça vaut la peine. Et il y a d'autres associations qui progressivement vont naître, des alliances. C'est à vous de fouiner à un moment donné, de vérifier, d'observer, de regarder, puis de vous intéresser. Je ne sais dit. Que penser de la prédiction émise par certains prophètes au sujet de l'inondation complète de l'île de Montréal dans les années 90? En tout cas, ça va faire un maudit bon nettoyage. M'adorer va en vacances, ça doit quelque part. partie de, d'une extrapolation mathématique des contextes géosismiques. Qui veut dire? Non. Moi, je vais lui expliquer, puis je vais vous revenir. Ça veut dire que des personnes qui ont étudié les plaques tectoniques, qui ont étudié comment on peut dire ça facilement? Ah, voilà. La planète Terre est conçue d'un paquet de bouchons qu'on appelle des continents. Puis les continents ont des tendances fâcheuses à bouger. Puis quand ils bougent l'un sur l'autre, ça crée des tremblements de terre. Alors, il y a des personnes qui étudient ça. Et à un moment donné, dans une extrapolation de mécanique, c'est-à-dire qu'à partir des mouvements déjà connus depuis quelques milliers d'années, par certains ésotéristes et par le monde astral, on s'attend à ce qu'à un moment donné, il y ait une pression telle que ça va défoncer une partie du Canada, un peu au sud du bouclier canadien, et ça va faire en sorte que le fleuve Saint-Laurent va commencer à couler dans l'autre sens. Et l'océan devrait descendre. Ça va faire pas mal d'eau par ici. Et ça va créer une mer intérieure, comme on en a déjà connu une, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ça fait à peu près 123 millions d'années. Et puis, donc, il y avait une mer intérieure ici. J'étais parti en vacances, moi. Je dis être maire de Montréal. C'est ça, j'allais dire, là, d'arrive-toi, vous connaissez. Alors, c'est ça. Mais ça va être la partie sud du bouclier canadien. Il y a une partie de Montréal qui a des chances de s'effriter à un moment donné, de s'effondrer simplement parce qu'elle est bâtie sur des plaques de roches sédimentaires qui ont été relativement grugées par les rivières souterraines qui passent sous Montréal. Mais ce n'est pas... En ce qui me concerne, ce n'est pas tellement important d'en parler, parce que premièrement, je ne reste pas à Montréal. Non, c'est une bonne chose. On va faire les conférences à Saint-Adèle bientôt. Quand je fais mes conférences ailleurs qu'à Montréal, vous en déduirez... Mais c'est évident qu'il y aura des mouvements de sol. Doit-on considérer le ciel comme l'atmosphère terrestre, tout le système solaire, voire la galaxie, ou même tout le cosmos? Le ciel, c'est uniquement la biosphère. Donc, tout ce qui part du centre de la Terre, aller jusqu'à la limite de l'atmosphère terrestre, c'est le ciel, c'est le monde de la mort, c'est l'astral et ça inclut l'enfer. À l'extérieur, on a une légère couche qui fait partie du contexte mental, c'est beaucoup plus ionisé, ce n'est pas atmosphérique. Et à l'extérieur de ça, on a un contexte galactique qui est le contexte supramental. Du point de vue des énergies, ils ne sont pas colorés par le plan planétaire. Donc le ciel se limite à l'atmosphère terrestre, et dans l'ésotérisme traditionnel, on parlera au-delà de l'atmosphère terrestre des cieux. Est-ce que ce sont des plans superposés ou interpénétrés? Ce sont des plans qui sont et superposés et mélangés. C'est-à-dire que, plus souvent qu'autrement, c'est une atmosphère. Alors, un peu comme la lumière, on a un faisceau rouge, un faisceau blanc, qui est un mélange du rouge, du bleu, du vert. Quand on parle d'énergie ou quand on parle de choses du genre, on met des mots qui séparent pour qu'on puisse comprendre. Le faisceau rouge reste un faisceau très séparé dans la lumière blanche. Mais finalement, la lumière blanche est quand même un mélange du faisceau rouge avec les autres. C'est un peu la même chose au niveau des autres plans. Le plan supramental, on a respiré à plein nez. Mais dans les molécules d'oxygène et de carbone, c'est surtout de la mémoire astrale qui est ramassée là-dedans. C'est donc surtout ça qui va interagir avec nous. Alors que le plan supramental a une tendance à se fixer surtout au niveau des molécules de gaz rares. Ça veut dire hélium, krypton, argon, xénon, radon. Il est dit qu'anciennement, la Terre tournait dans l'autre sens. Est-ce symbolique et en référence à d'autres périodes où un plateau a stoppé et est reparti dans l'autre sens? Est-ce que l'un entraîne l'autre? La Terre tournait effectivement dans l'autre sens, donc d'ouest en est. Le centre de la Terre était à 23 degrés, 23,5 degrés dans l'autre sens, c'est-à-dire que le pôle nord était au niveau du désert de Gobi, en Mongolie du Nord, et le pôle sud était près des terres de feu. À un moment donné, il y a eu un pivotement, un changement d'axe, qui a fait aussi, ça a créé un des grands déluges que l'histoire parle, et ça l'a fait en sorte qu'à un moment donné, les étoiles sont tombées sur la Terre. Et on s'attend, selon certaines prophéties, que le jour les étoiles tombent encore sur la Terre. Puis, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si la Terre change d'axe, ben le temps qu'elle prend à changer d'axe, les étoiles, on les voit toutes filer. Puis pour les humains d'époque, ben... T'es tombé sur la Terre. À votre avis, est-ce qu'il est préférable de s'abstenir de mettre des enfants au monde dans les années à venir? Pas si c'est des enfants qui valent la peine d'être mis au monde. Et comme on fait partie de l'évolution de l'ère ancienne, vous le saurez seulement après si ça valait la peine ou pas, mais ça, on sait jamais avant, c'est toujours après. Non, c'est pas un problème. Et vous savez, les prophètes qui disaient que malheur à la femme qui portera un enfant sera enceinte quand ça va arriver. C'est des maudits, hein? Ça désigne deux choses. Malheur à n'importe quel être humain qui va être en gestation, qui sera suffisamment capable d'être conscient de ce qui manque, puis incapable, insuffisamment conscient pour s'en sortir. Puis malheur aussi aux femmes qui vont porter des enfants à l'époque. On parle de vrais enfants biologiques. Parce que toutes les forces d'évolution vont leur sauter dessus. Ces prophètes n'ont pas prévu l'intervention des forces supramentales. Ces enfants-là feront probablement partie de l'élite, des dieux. Ouais, c'est effectivement, on va s'organiser pour bûcher des femmes, pour éliminer les enfants. Vous savez, malheur à Marie quand elle portait un enfant, parce qu'il y a du monde qui a couru après, en maudit. Ils ne l'ont pas attrapé, ils n'ont pas pu toucher non plus. Mais ce n'était pas tellement prévu, ça, mais il y a eu de l'intervention. C'est un peu la même chose. Combien de femmes vont s'interdire d'avoir des enfants pour éviter, alors qu'il n'y a vraiment aucun problème, là. Puis l'intelligence supramentale, c'est beaucoup plus puissant que la force astrale, ni l'intelligence astrale, mais vous ne pouvez pas en avoir une idée de l'ampleur présentement. D'ailleurs, que l'humain n'a même pas une idée de l'ampleur de la puissance des forces d'évolution, mais c'est ce que le prophète voulait dire, c'est que faire peur, etc., mais... Celui qui se conscientise assez, donc, est en train de se mettre au monde d'une femme enceinte, symboliquement, il voit tout ce qu'il peut faire, puis il n'est pas capable de le faire. Il va avoir des crises de problèmes à souffrir. C'est un MTS total, un martyr de la transition. Et puis la femme biologique qui portera un enfant, surtout au Québec, elle va être extrêmement protégée. Mais traditionnellement, effectivement, malheur à elle, parce que toutes les forces d'évolution vont courir. Qu'est-ce que les extraterrestres du supramental? Ce sont des êtres capables de reconnaître un terrestre extra et capables de le laisser comme il est. Alors que les extraterrestres traditionnels sont des êtres qui veulent assujettir l'homme. Quand on parle d'extraterrestres, cela veut dire qu'il ne provient pas de la Terre. C'est uniquement ce que ça veut dire. Ça ne veut pas rien dire d'autre. Et les forces extraterrestres sont des forces qui, à un moment donné, vont s'associer à l'humain. Ça serait trop long d'en parler présentement ici. C'est des choses que... sur lequel je reviens surtout au niveau des conférences réservées aux séminaristes, parce qu'on a plus de temps, on a 3 heures. Ce serait long à expliquer la mécanique de qu'est-ce que c'est que ces extraterrestres-là, mais sachez une chose, c'est que, en résumé, la majorité d'entre vous, si un jour vous avez embarqué dans un aéronef, ce sera un vaisseau extraterrestre, conduit par des terriens qui viennent de l'avenir, et vous saurez reconnaître que c'est les bons, parce que vous vous reconnaîtrez dans ces terriens. C'est vous qui, dans l'avenir, allez revenir dans le passé, vous cherchez pour vous amener dans l'avenir. On ne peut pas tout comprendre peut-être ce que je dis là, mais... Tu sais, quand l'humain, il se dit, oui, mais moi, là, je ne les connais pas, est-ce que c'est les tels, les tels, est-ce qu'ils portent tel nom, telle pancarte, tels écussons? Si c'est les Éloïens, n'importe qui peut se dire Éloïen, vous allez embarquer. S'ils ont des armes puissantes, n'importe qui peut en avoir des armes qui sont suffisamment puissantes pour vous impressionner, vous allez embarquer. Non, vous allez savoir quand ça va être le temps que c'est là. Comment? Bien, c'est ça. Quand on parle de forces extraterrestres, c'est qu'on parle de forces réactionnelles qui habitent. Les hommes et les barbites, ils sont formidablement stupides alors. Si vous avez un lébarbite, pourquoi achetez-vous des billets qui vous font perdre la loterie? Pourquoi avez-vous des maladies que vous ne voulez pas? Pourquoi avez-vous la face que vous ne voulez pas? Des enfants, vous n'avez pas voulu? Oh, vous êtes habitué. Pourquoi vous n'avez pas le mari ou la femme idéale? Pourquoi elle n'a pas évolué ou changé dans votre comme vous le vouliez? Pourquoi vous avez une crevaison alors vous n'en voulez pas? Pourquoi toute votre vie, tout simplement? Et l'humain n'a pas de lébarbite, ni dans la matière, ni dans l'action, ni dans le choix entre le bien et le mal. L'humain sait toujours qu'il a bien fait ou qu'il a mal fait après, jamais avant. Il doit expérimenter. Et en plus, il y a des humains qui sont racistes. C'est un choix. Absolument pas, ils sont programmés. Ils ont été élevés dans un contexte où on leur a montré être racistes. Il y a des humains qui ont peur du sang. Pourquoi? Programmés. C'est tellement simple, tellement simple. Je ne veux pas trop appuyer là-dessus, je le développe surtout au niveau du séminaire parce que les gens plusieurs heures. Alors on peut travailler. Parce que de temps en temps, quand on dit certaines choses, c'est un peu comme si on faisait une opération chirurgicale, on ouvre une plaie. Puis là, dans une demi-heure, vous en allez. On n'aura pas rien recousu. Fait que c'est évident que ça n'aura pas été brillant de le dire, donc d'ouvrir la plaie. Mais au niveau du lébarbite, non, l'humain n'en a absolument pas, vraiment pas. Regardez votre vie, regardez tous les choix que vous pensez que vous avez faits. Chaque fois que vous faites un choix, c'est toujours en fonction d'une réaction, d'une manipulation. Vous avez choisi d'acheter telle auto plutôt qu'une autre. Pourquoi? Ah, plus confortable, parce qu'elle est plus belle, elle me plaît. C'est intéressant. Maintenant, avez-vous choisi qu'elle vous plairait? Non. Moi, j'aime le bleu. Fait que j'achète du bleu. T'as les barbettes. Tu choisis que t'aimerais le bleu. Non. Moi, j'aime... t'as le choix du pâté chinois ou du steak. T'as pas le choix. Oh non, c'est moi qui décide qu'est-ce que je mange. Non. Puis je mange du pâté chinois. Pourquoi? Parce que c'est ça, j'ai le goût de manger ça. Parfait. T'as-tu choisi d'avoir le goût de manger ça? Non. L'humain pense qu'il y a un lébarbite parce qu'il s'imagine tout le temps que c'est lui qui choisit. Il choisit à partir de quoi? Ben oui, je l'aime pas, lui! Fait que je choisis de pas le voir. Pas un lébarbite. T'as pas choisi que tu l'aimerais ou pas. Mais c'est plus fondamental. Allons un peu plus loin. T'as pas choisi. Vous avez deux enfants qui sont blessés dans la rue. Hein? J'ai déjà parlé. Le plus loin, c'est ton fils. L'autre, c'est son chum. En termes d'intervention intelligente, il s'occupe du plus près. Ben, il aime plus son fils, fait qu'il enjambe l'autre, puis il va voir son fils. C'est un choix qu'il fait. Pas un choix qu'il fait. Il n'a pas choisi d'aimer plus son fils que l'autre. Il n'a pas le choix, ça. Il n'est pas nié comme ça. Vous vous engueulez, vous faites n'importe quoi dans votre vie, vous êtes heureux, vous partez à rire, vous ne choisissez pas. Vous appliquez et vous exprimez. On pourra en parler des heures et des heures et des heures, mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'une personne qui, quand on fait le séminaire, ben là, on a le temps de parler individuellement aux individus. Alors, c'est simple, je leur dis simplement, ben, prouve-moi qu'on a les barbites. Ça fait quelques milliers d'années que j'attends qu'on me le prouve. Et puis, c'est évident qu'après le séminaire, tout le monde sait qu'on n'a pas des barbites. Pas parce que je suis convaincant. Parce que les individus qui font le séminaire sont assez intelligents pour se rendre compte qu'effectivement, c'est pas ça du livre. Non, pas. Les humains sont réactionnels. Vous n'avez jamais fait de choix dans votre vie, puis vous n'en ferez pas tant que vous ne serez pas conscient. Je ne parle pas de conscience mémorielle. Puis encore une fois, une personne va dire, écoute, je me lève à 5 heures, c'est parce que je décide que je me lève à 5 heures. C'est faux. Parce que si tu aurais le lébarbite, là, tu ne te lèverais pas à 5 heures, tu aurais d'ailleurs choisi de ne pas aller travailler, de ne pas avoir besoin d'aller travailler, de ne pas être malade, d'avoir de l'argent, de ne pas avoir besoin d'être couché, de ne pas avoir besoin de manger. Écoutez, lébarbite... Ça me fait penser à ma mère encore, mais quand elle me disait, veux-tu du spaghetti ou du pâté chinois? Moi, j'étais du pâté chinois, puis elle m'engueulait. Y'a rien que du spaghetti, tu pourrais pas prendre du spaghetti comme tout le monde! Ben oui, elle se fiait que j'avais, elle me donnait les barbites, dans l'espoir que je choisisse ce qu'elle voulait que je prenne. Quand je ne choisissais pas, ma mère me punissait, ça m'engueulait. Dieu punit quand vous ne faites pas le bon choix. Certain, oui. On a du lébarbite en tabarnouche, oui. Tu as parlé de conférences ou d'associations qui se tiendraient à Québec et Montréal en janvier, février ou mars. Donne plus de détails. Tu l'as fait pas mal tantôt. Ouais. Être transparent ou transparente dépend-il de ma capacité de supporter de l'intelligence? Oui. Être humain ou humaine aussi. Ça dépend ce qu'on entend par humain. Mais c'est évident que plus un animal humain est transparent, plus devient un être humain. Le rapport avec rejeter l'anti-homme, est-ce que ça diminue la négoïsation, donc diminue l'égoïsation? Ben, c'est la négoïsation, le rejet. Ça augmente l'intelligentiation. Automatiquement, si vous rejetez de l'anti-homme, ça va faire de la place pour vous. Puis quand vous êtes intelligent et intelligent, c'est évident que ça va augmenter l'expression. En faisant abstraction de mon corps physique actuel, de quel endroit est-ce que je viens précisément, planète, galaxie ou autre, où ai-je été créé sur la Terre? Au niveau psychologique, vous êtes totalement créé sur la Terre. Vous êtes constitué à même 32 millions de réincarnations du passé, fusionné à travers vos lignées génétiques et familiales. Votre physique est déterminée par la même chose. Du point de vue de l'esprit, vous n'êtes pas créationnel, c'est-à-dire que vous venez à l'extérieur de la création. Par un canal qu'on appelle ajusteur de pensée, vous êtes en contact avec l'âme, qui est la mémoire de l'expérience d'une effusion, c'est-à-dire d'une descente d'intelligence dans la matière. Encore une fois, c'est un peu long à expliquer comme ça, mais votre provenance n'est pas galactique, mais vous avez des traces dans les galaxies. Votre provenance n'est pas universelle, vous avez des traces dans les univers. C'est les extraterrestres qui tentent de nous contacter. C'est vous-même, des traces laissées ailleurs. Votre provenance n'est pas super-universelle, mais vous avez laissé des traces dans les super-univers. Votre provenance n'est pas créationnelle, vous avez laissé des traces dans la création, donc dans le temps. Vous ne provenez pas. Mais on approche d'un discours où les mots ne servent plus. Il faut être télépathe. Il faut savoir ce que je sais en même temps que je le sais. Alors... Un extraterrestre provenant de l'extérieur de la Terre, mais vivant sur la Terre, sait-il qu'il est extraterrestre seulement lorsque c'est le temps de savoir, ou l'a-t-il toujours su? Il y a tellement de façons d'être extraterrestre. Un extraterrestre de provenance biologique extérieure à la planète Terre ne peut pas rester sur la Terre parce que son corps physique se dégrade rapidement. Il en meurt. Un être humain qui a été enlevé ou encore qui, au niveau du fœtus, a été engendré ailleurs, dans un corps de mère qu'on a kidnappé puis qu'on a ramené ici, habituellement, il ne sait pas qu'il est extraterrestre jusqu'au jour où on aura besoin de lui dire pour se servir de lui. Mais normalement, il est entre de mauvaises mains. Et puis les extraterrestres de mon genre le savent. Ils sont une fusion entre un contexte extraterrestre et un contexte terrestre. Les 144 853 élus ont-ils été tous engendrés sur la Terre ou le seront-ils? Sont-ils tous du présent et ont-ils toujours existé, mais sous une autre forme? Non, oui. C'est beaucoup de questions, je réponds. C'est clair. Y a-t-il une distinction entre l'intuition émotive, rationnelle ou supramentale? Si oui, comment discerner? Il y en a toute une. Et c'est une saveur que, avec le temps, vous allez finir par apprendre à découvrir. Ou bien vous vous en égoïsez, donc vous ne l'apprendrez jamais, mais vous le saurez tout le temps. Ou bien vous l'apprenez avec un peu d'ego. Pour finir par être capable de prendre le dessus, donc d'être votre seul maître. L'intuition émotive est toujours colorée par un besoin, un désir, une espérance. L'intuition supramentale souvent arrive sans demande, sans appel. Ça vient, ça laisse, ça prend, ça passe. Normalement, quand on a une intuition émotive, si on est refroidi émotivement en face d'un événement ou d'une situation, on n'a plus l'intuition. C'est une intuition supramentale, quand on est totalement refroidi, on garde la même idée. Puis il y a d'autres façons, mais ça s'apprend aussi avec le temps. Que pensez-vous du maître spirituel Omraham Mikhaël Aïvanov de la Fraternité Blanche Universelle, Amour Universel, grande bonté entre les humains? Bon, ben, Omraham, de toute façon, il a quitté le contexte planétaire. C'est très bon, c'est très bien, c'est parfait, c'est merveilleux. Ceux qui n'ont besoin s'en servent, ceux qui n'ont plus besoin ne doivent pas s'en servir. Tout ce qui est yavique peut être satanique. C'est utile, c'est yavique. Ce n'est plus, vous restez là, c'est satanique. On doit se servir de tout comme outil. De moi comme de lui. Outil. La vie, outil. C'est utile, on s'en sert. Ce n'est plus utile, on ne casse pas l'outil. On le laisse là, d'autres en auront besoin. Puis on continue. La Fraternité Blanche Universelle, c'est bien. Vachement bien. Et puis pour d'autres personnes, ce n'est pas nécessaire. Vous savez, on est tous dans une grande cuisine. Il faut quelqu'un pour entretenir le feu, quelqu'un pour brasser, quelqu'un pour faire les sauces, quelqu'un pour laver. Il n'y a pas un qui est meilleur ou moins bon que l'autre. Vous êtes dans l'énergie de laver, vous allez suivre un maître qui lave. Vous êtes dans l'énergie de faire cuire, vous allez suivre un maître qui fait cuire. À un moment donné, vous allez avoir vous-même un poste, une fonction, puis vous allez être dans votre trou. Centré dans votre intelligence. Mais on n'a pas... Tout est correct. Il y a plein de personnes qui ne se conscientisent pas. Il y en a qui vont aller se battre contre nous autres. On n'a pas à être snob parce que prétendre meilleur qu'eux autres. Il y en a qui fabriquent les boutons qui attachent vos culottes. On n'a pas à vaut mieux sur eux autres. On a besoin. Puis ils ont besoin de nous autres. Vous avez la qualité, disons, de comprendre des mécaniques qu'eux ne comprennent pas. Alors, karmiquement, si vous voulez être allégé, servez-vous-en. Eux ont la qualité d'inventer des moteurs, des pneus, de vous garantir une sécurité sur la route, ou de se faire élire au Parlement. Ben, ils le font. La Fraternité Blanche est parfaite. De plusieurs façons. Ça atténue le monde astral. Ça permet à plusieurs individus de nourrir une batterie d'énergie qui va servir à un moment donné à l'homme nouveau. Il y a plusieurs personnes de la Fraternité Blanche qui font partie de la race neuve. Ils le savent pas, peut-être pas tous. Tous n'en font pas partie. On n'est pas limité par une secte ou une organisation. C'est l'humain. Et non pas le style d'évolution qu'ils pratiquent. Que faire en temps de crise lorsque tu es pleinement consciente de la mécanique de l'ego? Panique. Crier. Mais que tu n'arrives pas à couper avec l'ego. En temps de crise, quand on est conscient de la mécanique de l'ego, mais qu'on n'arrive pas à couper avec l'ego, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire une chose très simple. On doit tout simplifier au complet. On doit simplifier. Pas se prendre au sérieux. Faire sérieusement la simplification. Décollez-vous de tout ce que vous considérez comme étant important. Très simple. Disons, un exemple, une grosse crise. Tu vas peut-être perdre ton emploi. Pas beaucoup d'argent. L'automobile a des problèmes. T'as une fuite dans le toit de la maison. La routine, quoi. Ouais, dans ton cas, je sais. Là. Gros stress, grosse crise, grosse colère, grosse chicane. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon maudit emploi, là. Tu sais, si je le perds, le perdrai. Détache-toi des choses importantes que tu considères importantes. L'automobile, ben t'es orgueux. J'ai déjà pris l'autobus quand j'étais jeune, puis il y en a plein qui te prennent l'autobus, je m'arrangerais bien. Rien à faire de moins. Éliminez ça! Il va rester que des choses utiles. Ça ne vous stressera pas. Il faut éliminer une partie du fardeau. La grosse crise, c'est la débandade, tout tombe. Écoutez, tant que vous allez être là, faites correct. Ça va et ça revient dans la vie. Ça monte et ça baisse. Quand on est assujetti à l'évolution archangélique, l'évolution de troupeau, ça monte et ça baisse. Alors abandonnons les choses qui pour nous sont importantes, puis on finit par se ramasser seulement avec les petites affaires qui restent, qui sont utiles. Ça peut être ta femme, tes enfants. Ça peut être plus grand-chose d'autre. Tout perdu. Ben oui, mais au minimum, vrai correct. Vous, ça peut être peut-être votre famille, vos amis. Sachez une chose. Perdez jamais un contact avec un être humain pour une foutue babiole matérielle. C'est dommage et c'est terrible. Vous perdez tout, puis il vous reste des gens avec qui jaser. Vous n'avez rien perdu. Ça revient encore à l'association ou à l'alliance. Vous vous rebâtir. Mais ramassez-vous tout seul avec la matière ou ramassez-vous tout seul avec même plus d'amis et plus rien du tout, vous allez voir que c'est compliqué en bâche. Ce que l'humain doit faire en cas de crise, c'est d'abandonner les choses importantes, faire un ménage un peu autour. Ton maudit système de son, le vends-le, c'est le temps de le vendre. Tu l'as acheté pour garder de l'argent, tu l'aurais dépensé autrement. Le vends-le, là, c'est le temps de récupérer l'argent que tu as mis dedans, de besoin pour vivre. Vends l'automobile, marche un peu. C'est le temps que tu récupères ta santé puis l'argent que tu as mis dans ton automobile. Clairez des petites choses un peu. Puis vous allez finir par vous découvrir que, vous êtes capable, maudit. On est devenu paresseux parce qu'on est devenu confortable. Il y a des personnes qui nous demandent souvent, par exemple, à travers les séminaristes, il y a un groupe qu'on appelle le groupe des chefs. On va camper. On monte de nuit souvent après les conférences. On arrive dans le bois. Même l'hiver, on y va aussi. Des fois, il pleut à verse, des fois même à la renverse, parce qu'on monte une grosse côte, là, qui rentre. Ah, il pleut à la renverse. C'est pourquoi vous donnez tant de misère? Pour pas en avoir. Il vient un moment donné où ce qui pleut, tout le monde est mouillé. Le feu fonctionne quand même. On fait cuire nos cossins, on jase, on bat du fun. On marche dans le bois. Ça fait floc. Il y a autant d'eau dans nos bottes qu'il y a dans le lac à côté. C'est ça la démarche flottante? C'est ça. Et puis, c'est l'évolution. Et puis, à un moment donné, on se trouve bien. On se donne pas de misère. Puis quand on revient en ville, on se dit pas, hey, tu sais, ça va à peine d'y aller. Là, t'apprécies. Même pas. On n'est même plus à ce niveau-là. Quand on revient en ville, on s'en sert autant que nos bottes dans le bois. C'est nous autres qui est important, qui est utile. Le reste de la matière, c'est franchement. Alors, quand on est en problème économique ou n'importe quoi, connaissez du monde qui sont de votre calibre, de votre niveau. Têtez-les pas. Soyez honnêtes, transparents avec eux. Soyez capables de faire un échange d'énergie, une synergie. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont passer à travers n'importe quelle structure d'évolution dans l'avenir, n'importe laquelle. Paix pacifique à travers la planète, c'est seulement les humains qui sont des alliés dans l'intelligence qui vont arriver à en bénéficier. Apocalypse, seulement les humains qui sont associés dans l'intelligence qui n'en vivront pas. C'est pas pour ça qu'on doit le faire. C'est parce que c'est mauditement plus plaisant. En cas de crise, on abandonne les choses qui sont importantes. On garde les choses qui sont utiles. Je voudrais prendre des décisions intelligentes, mais j'ai de la difficulté à savoir si ce que je pense est intelligent ou si ce n'est qu'un tour que me joue mon ego en me faisant rationaliser mes désirs. Comment faire la différence? Je continue à lire. La maison achetée avec une autre, devons-nous la vendre parce que nous sommes brouillés ou devons-nous nous associer à nouveau pour continuer à évoluer, c'est-à-dire à nous faire souffrir? Bon, mon évolution n'est pas une évolution souffrante. Alors, si votre évolution est une évolution souffrante, c'est parce que vous êtes associé à l'évolution lunaire, l'évolution de archangélique, des troupeaux. Je dis souvent que la structure du PMC, le programme être contrôleur, n'accélère pas l'évolution. Elle la rend mauditement plus confortable. On peut évoluer effectivement en souffrant, puis on peut évoluer en s'amusant. Moi, j'opte pour l'amusement. Il pleut pareil dans ma maison. Je peux avoir une crevaison sur l'automobile quand même. ça n'altère pas ce que je suis. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Je ne donne pas de conseils. La personne qu'elle vende ou qu'elle ne vende pas, ça, c'est ses affaires à elle. Les décisions intelligentes, comprenez ceci. La majorité des êtres humains pensent qu'une décision intelligente est une décision qui amène un résultat que l'ego voulait. Et ce n'est pas ça. Une décision intelligente, une décision qui va vous amener, vous, là où vous devez aller. Mais comme vous ne savez pas où vous allez, vous ne pourrez pas juger de l'intelligence de la décision. C'est sérieusement utile ce que je dis là. Je vais avoir une voix qui s'en va parce que j'ai rencontré un de mes amis qui avait un virus planétaire. Une décision intelligente, ça va être « j'ai pris tel choix, puis regarde, ça fonctionne ». Pas ça, une décision intelligente. L'humain est manipulé. Je le répète, il y a des êtres humains super géniaux qui un jour ont inventé deux produits. Un qui s'appelle Coca-Cola, puis l'autre qui s'appelle Père Noël. La compagnie a inventé les deux personnages. Coke, hein, qui est... La couleur de Coke, c'est quoi? C'est rouge et blanc. Dans les camions, on le sait. Coke, ça se boit dans la glace. Alors, ils ont trouvé, ils ont inventé le Père Noël. C'est des génies. Puis la recette de Coke, géniale. Après combien d'années? Ça se boit partout. Alors, à un moment donné, pour faire la compétition, ils ont eu une autre idée géniale, faire une nouvelle sorte de Coke. Planter. Une décision dans la matière avec un résultat. On ne peut pas savoir si c'est intelligent ou pas. Il y en a un qui décide, à un moment donné, on change la recette, fortune. L'autre change la recette, il plante. On le sait après, quand on est humain. Alors, une décision intelligente, ce n'est pas une décision qui va vous amener là où votre ego veut aller, c'est une décision qui va vous amener là où vous devez aller. Vous peut-être allez tout perdre pour brûler votre karma, pour avoir la paix après. J'en connais, moi, de très près. Très près. Qui évolue à la Tibétaine. Il a à perdre la moustache. Non, il a une petite bedaine aussi. Il est venu avec sa petite bedaine. Bon. À un moment donné, on va vous purger d'un paquet de problèmes que vous avez de façon à vous libérer pour plus tard. Et vos décisions intelligentes vont vous amener là. Vous allez être dans le chocolat pendant 2, 3, 4, 5 ans. Puis vous allez vous dire, oh, mais c'est pas... Une décision intelligente n'est pas, enfin, n'est pas, on ne peut pas la reconnaître en fonction de ce que l'on veut. Toutes les décisions intelligentes là, que vous avez prises, là, ça aurait fonctionné, là, vous auriez de gros problèmes aujourd'hui. Quand on parle de décision intelligente en fonction de l'ego. La personne ici, elle est peut-être mal prise avec un individu. Pourquoi? Peut-être que si elle aurait rencontré une autre personne, ça aurait été pire. Peut-être que ça aurait été mieux. Une décision intelligente n'est pas une décision qui vous amène du résultat là. Ça peut ne pas. C'est une décision intelligente, c'est une décision régie par votre intelligence et ça va vous amener là où vous devez aller. Et vous allez en bénéficier quand vous allez être rendu là. Sur le chemin, peut-être pas, parce que vous marchez tout croche encore un peu. Alors, faut faire attention quand on parle de décision intelligente. À la limite... J'en prends plein régulièrement, puis ils s'obstinent toujours. La preuve comme quoi que l'humain ne peut pas tout comprendre. Hein? À la limite, on peut dire que toutes les décisions sont intelligentes, puisque de toute façon, on va se ramasser où on doit être. C'est évident. C'est évident. Sauf qu'une décision intelligente, dans mon sens, une décision qui fait en sorte que tu prends des raccourcis, que tu ne marches pas dans le gravier puis dans le boue inutilement, uniquement à cause que ça ne dérangeait pas, tu t'es pas arrivé quand même. C'est évident. Toute l'humanité, toutes les humanités vont s'en sortir. Je préfère ma façon. Pourquoi aurons-nous nécessairement peur de notre anti-homme? Je vais vous expliquer. En réalité, vous n'aurez pas peur de votre anti-homme. Mais en réalité, votre anti-homme, lui, va avoir peur en maudit de vous. Puis comme votre anti-homme s'exprime par votre corps physique et par votre système endocrinien, Vous allez nécessairement vivre dans un corps physique qui va, à un moment donné, vivre une terreur. Vous n'aurez pas peur de votre anti-homme. Mais votre anti-homme aura peur de vous en maudit. C'est en tant qu'anti-homme, tantôt, au début, tu disais qu'on aurait peur. Oui, mais c'est parce que, c'est faut que les gens posent des bonnes questions. Je ne l'ai pas posé, cette question-là. Bon, non, mais je savais quelqu'un... Alors maintenant, je réponds mieux. Bon, c'est comme ça, hein? Oui. C'est vrai. Je ne l'ai pas posé, ça. Posez les questions comme il faut. Regarde la pile de questions que tu as, c'est parce que tu... Hein? Les gens trouvent que tu poses des mauvaises questions. Bon. C'est donc que je fais bien mon travail, parce que je suis là pour leur faire poser des questions. Et voilà, quand on n'a pas trop d'ego, on peut tout récupérer, c'est vrai. Puis tous tes points de vue sont vrais. Toujours est-il que c'est l'anti-homme qui va avoir peur. Oui. L'humain aura beaucoup plus peur de voir des choses blanches que de voir des choses noires. Parce que l'humain est investi de noir et non pas de blanc. Les humains, là, n'ont jamais crucifié un diable. Ils ont crucifié le Christ. Puis ils l'ont massacré du bon monde. C'est bien plus épeurant parce que l'humain, grosso modo, au niveau de la psychologie, est investi de mécaniques qui sont anti-évolutives. Je ne dis pas mal ou mauvaise, mais anti-évolutives, qui sont traditionnelles et stagnantes. Tout ce qui fait partie du neuf, ça leur fait peur. L'anti-homme, ben, c'est... Même mon anti-homme, t'aurais dû voir comment il a eu peur de moi. Hein? Quand la programmation de l'homme prendra-t-elle fin? Quand il n'y aura plus d'hommes. Quand il y aura uniquement des êtres humains. Quand l'humain sera le maître contrôleur à bord. Quand on sera tous réunis par une forme de télépathie planétaire. Parce que sinon, on aura toujours des opinions différentes. Alors, nécessairement, la liberté de quelqu'un va s'arrêter où la liberté de l'autre commence. Dans la création, il y a une seule loi. Chaque corps imposera son espace-temps aux autres. D'où là, à partir de cette loi-là, de toute façon, on peut constater que les barbites, il faut l'oublier. Et tout ça au complet. Si tous les corps finissent par s'homogénéiser dans une fusion collective, eh bien là, la loi tombe. Elle reste, mais elle ne sert plus. Alors l'humain, quand l'humain sera énergiopathe, quand l'humain, disons, sera simplement télépathe, quand on aura toute la même vision de l'écologie, hein, il n'y a plus de problème. Mais tant qu'on n'a pas la même vision, il faut prendre des médias d'information pour communiquer, parce qu'on n'est pas télépathe, puis que la communication est colorée par votre façon de voir les couleurs sur la télévision, d'entendre les sons, ou la valeur des mots qu'on vous communique, ou etc., bien évidemment, c'est long. L'homme va cesser d'être programmé lorsque l'homme sera totalement instantané. Une programmation, c'est nécessairement une mémoire. Un programme en mémoire. Quand l'humain est totalement spontané, relié à son intelligence supramentale, lorsque l'humain est totalement instantané, il n'y a plus de mémoire. Lorsque l'humain n'a plus de mémoire, il est nécessairement en télépathie. Il n'est plus programmable, il n'est plus programmé, il est libre. Quand j'habitais chez mes parents... Pauvres autres. Ils n'arrivaient pas à me manipuler. Maintenant que j'habite seul et dans une autre ville, je suis manipulé à répondre à leurs attentes et à leurs besoins. C'est autre chose. Pourquoi c'est karma maintenant? De quelle nature est-il? Vous auriez dû laver la vaisselle plus souvent. Il y a plusieurs mécaniques qui régissent la personne, mais la plus importante, c'est celle-ci. C'est une mécanique de réincarnation. Si la personne veut plus d'informations, à un moment donné, elle pourrait se référer à une des conférences que j'ai faites, c'est enregistré sur cassette audio, sur la réincarnation. Probablement que présentement, à l'âge où elle est là, à l'âge qu'elle a présentement, ses parents doivent commencer à se réincarner chez eux, chez elle, la personne, à l'âge où elle est présentement. Donc, elle doit commencer à recevoir de plus en plus de ses parents adultes à l'âge où elle est, elle. Disons qu'elle a 20 ans, ses parents de l'âge de 20 ans commencent à l'investir. Parce que ça se réincarne chez nous 24 heures sur 24 tout au long de notre vie, puis nos parents sont nos pires ennemis là-dedans. Puis vous, les parents, vous êtes les pires ennemis de vos enfants. Puis on n'a pas à se culpabiliser. Moi, mes parents ont été mes pires ennemis, puis j'ai probablement été, je suis peut-être même encore, le pire ennemi de mes enfants. Une mécanique. Les mémoires de vos parents à l'âge de 20 ans, ben, à un moment donné, peuvent pébiter dans un corps de parent qui a 40, 45, 50, 60 ans. Ce qui fait que ça flotte dans la mémoire, puis quand l'enfant arrive à cet âge-là, vu qu'il y a un corps physique génétiquement similaire, les mémoires viennent dedans. Alors, progressivement, l'enfant finit par prendre des habitudes de ses parents, de sa mère ou de son père, puis finalement, les mécaniques de maladie au même âge commencent à s'épanouir. Et puis, finalement, on devient le parent. Alors, la personne ici, elle commence peut-être à voir sa mère ou son père chez elle, puis l'autre, ben l'autre, écoute, elle aimerait bien ça que l'enfant, enfin bref, c'est ça, là, commence à se faire ramasser plus facilement. Les réincarnations de l'avenir sont-elles des rêves faits par des consciences extraterrestres venues dans l'astral planétaire par transport séraphique? Non, c'est beaucoup plus simple, c'est de l'utopisation. C'est simplement des rêves faits par l'être humain qui a une conscience suffisamment placée dans l'avenir pour lui permettre de recevoir des informations qui viennent de l'avenir. C'est ça. Quel est le rôle de l'entité sur l'homme? Ben, c'est pas le forcer à boire du café. Je l'ai dit souvent, hein, c'est une entité, puis forcément à boire du café. Il faut simplement, premièrement, savoir qu'est-ce qu'on entend par entité, qu'est-ce qu'on entend par homme. Une entité, du point de vue étymologique, dans l'ésotérisme, une entité, c'est toujours un fantôme. C'est un synonyme du mot esprit dans le sens spiritisme, et non pas d'esprit dans le sens spiritualisation, dans le sens intelligence, l'esprit saint, de l'âme. Et encore, il faudrait qu'on sache ce qu'on entend par l'homme. On parle de l'homme planétaire ou de l'homme global, etc., etc. Ce fait que je ne vais pas répondre aux autres questions, plutôt. Puis à un moment donné, bien, la personne la pose juste plus précisément pour qu'on puisse élaborer. Est-ce que les associations qui seront offertes à l'homme conscient s'apparentent aux formes, aux groupements des associations mentionnées dans votre livre, Le Cité de Sept? Il y en a plusieurs, oui. L'homme s'est créé, mais ne s'en souvient plus. Est-ce que son esprit est la clé qui lui permettra de se rappeler sa création? Non, c'est la clé qui va lui permettre de rappeler la création. Qu'est-ce que travailler avec une vibration en public? Ça peut vouloir dire encore plusieurs choses, mais disons que, grosso modo, on peut le traduire par avoir un charisme. L'homme ne peut aller contre son destin qui décide du destin individuel, être notre esprit. Non, le destin, présentement, le vôtre, a été décidé par des imbéciles qui sont dans le monde astral. À un moment donné, l'homme pourra effectivement, on parle de l'être humain, l'être qui est son maître contrôleur, va finir par être suffisamment dans l'intelligence, il pourra aller contre ce qu'on lui a prévu au niveau astral. La souffrance et toutes ces conneries-là, ce ne sera plus son lot. Finement. Je poserai les prochaines questions, la prochaine qu'on verra. Alors là-dessus, on s'amuse, on n'oublie pas de s'amuser et de poser vos questions. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou pas? Enfin, est-ce que c'est ce que vous vouliez? Est-ce que décidé, vous allez voir que non. La prochaine conférence, vendredi prochain, comment décoder notre vie? Même heure, même endroit. Bonne semaine.